toujours la vie a c'est un boule. Kaboulé, au bajan, connaît, côté la mêlée haut. Jeune fille, allez qu'il est, y'on va réfléchir, pour y'on la vie c'est plaisir. C'est baigner, c'est manger, habiller, monter le lundi. C'est danser, c'est l'amour, c'est bloguer, planer toute la sainte journée. Vraiment l'authentique, qui t'a dit triste, nous mettre en plaisir, nous, mais bonne pas oublier demain.